Chapitre 20e. Le nouveau doyen est nommé. Pendant toute la semaine suivante, Barchester ignora qui occuperait le dimanche matin la stalle du doyen. C'était M. Slope qui était le favori. Mais comme il ne se montra pas dans la cathédrale, on crut ses chances un peu diminuées. Le lundi, il reçut une remontrance de l'évêque en présence des domestiques. Personne n'aurait plus parié pour lui. Mais le mardi, il reçut une lettre sous enveloppe officielle, marquée confidentielle, qu'il releva dans la faveur publique. Le mercredi, on le dit malade. Cela fit mauvais effet. Mais le jeudi matin, il descendit à la station d'un air cavalier, et quand on eut vérifié qu'il avait pris un billet de première classe pour Londres, tous les doutes tombèrent. Tandis que les esprits étaient en fermentation dans Barchester, on n'était pas gai à Plumstead. Notre ami l'archidiacre avait plus d'une cause d'ennui. Il était vivement contrarié du résultat de la mission diplomatique entreprise par le docteur Gwynne auprès de l'évêque, et il ne se gênait pas pour dire à sa femme qu'il l'aurait rempli avec plus de succès, ce qui n'était pas l'avis de Mrs. Grantley. La nomination de M. Quiverful à l'hospice était un fait accompli, devant lequel M. Harding s'inclinait absolument. Rien ne pouvait amener M. Harding à attaquer l'évêque pour abus de pouvoir, en quoi le docteur Gwynne l'approuvait complètement. « Je ne sais ce qu'a le principal, » disait l'archidiacre. « Il n'a plus son ancienne ardeur à défendre ses amis d'Oxford. »« Mon cher archidiacre, » répondait Mrs. Grantley, « à quoi bon lutter toujours? Je crois que le principal a raison. » Cependant, le principal avait fait des démarches personnelles qu'ignoraient l'archidiacre et Mrs. Grantley. Et puis le succès probable de M. Slope était dur à digérer pour l'archidiacre. Ce qu'il appelait la conduite inconvenante de Mrs. Bold ne lui était pas moins pénible. Que M. Slope devint doyen de Barchester et épousa ensuite sa belle-sœur, ce serait l'abomination de la désolation. Il en parlait sans cesse, y pensait sans cesse, à s'en rendre presque malade. Mrs. Grantley en était arrivée jusqu'à désirer que le mariage fût fait, et bien fait, afin qu'il n'en fût plus question. Le docteur Grantley avait encore un autre sujet de tristesse, dont il souffrait aussi vivement que les deux autres. Ce modèle des prêtres, dont il avait fait présent à la paroisse de Saint-Ébold, cet ami de collège dont il était si fier, ce champion dont la lance devait renverser M. Slope dans la poussière, ce rempart de l'Église, ce représentant, honoré entre tous, de l'esprit d'Oxford, était, du moins sa femme le lui avait dit une douzaine de fois, dans une voie de perdition. De toute la semaine précédente, on n'avait pas vu M. Arabin à Plumstead, mais malheureusement, on avait beaucoup entendu parler de lui. Aussitôt que Mrs. Grantley s'était trouvée seule avec son mari le soir de la partie de Ullathorne, elle s'était exprimée avec indignation sur la conduite de M. Arabin ce jour-là. Il n'avait eu, déclara-t-elle, ni la tenue, ni le langage d'un ecclésiastique qui se respecte. D'abord, l'archidiacre n'avait fait que rire, et avait assuré à sa femme qu'elle pouvait être tranquille, que M. Harbin ne courait aucun danger. Mais peu à peu il découvrit que les yeux de sa femme avaient été plus clairvoyants que les siens. D'autres personnes accouplaient le nom de la signora à celui de M. Harbin. Le petit chanoine maigre qui habitait sur le parvis lui dit avec la plus grande précision combien de visites M. Harbin avait faites chez le docteur Stanhope. Combien de temps avait duré chaque visite? Il avait cherché M. Harbin à la bibliothèque de la cathédrale, et un vicaire officieux lui avait offert d'aller voir s'il était chez le docteur Stanhope. Il était donc trop clair que M. Harbin avait succombé au charme que lui avait jeté l'Italienne, et que sa considération à lui, archidiacre, souffrirait beaucoup s'il ne tirait pas son protégé des griffes de ce démon. De plus, pour rendre justice à l'archidiacre, il était réellement attaché à M. Harbin, éprouvait une peine infinie de sa conduite scandaleuse. L'archidiacre et sa femme étaient assis dans leur salon avant le dîner, le lendemain du jour où M. Slope était parti pour Londres. Ils passaient en revue leurs sujets de souci, et Mrs. Grantley, qui avait ses idées à elle sur les devoirs des curés, s'exprimait sévèrement sur le compte de M. Harbin. « Si vous aviez voulu m'écouter, archidiacre, vous n'auriez jamais donné Saint-Évold à un célibataire. Mais, ma chère, « vous ne voulez pas dire que tous les prêtres célibataires se conduisent mal. Je ne vois pas que les prêtres diffèrent des autres hommes. Il n'y aurait pas d'inconvénient s'il s'agissait d'un vicaire qui serait sous votre surveillance immédiate et dont vous vous débarrasseriez s'il persistait dans sa mauvaise conduite. Mais M. Rabin, étant agrégé, ne pouvait se marier. Alors j'en aurais trouvé un autre à qui le mariage fût possible. À votre compte, ma chère, les agrégés ne devraient jamais recevoir de bénéfices. Si, assurément. Mais il faudrait qu'ils fussent fiancés. Je ne donnerai jamais un bénéfice à un jeune homme qui ne serait ni marié ni fiancé. Voyez, monsieur Rabin, toute la responsabilité de sa conduite pèse sur vous. Il n'y a pas en ce moment dans tout Oxford d'ecclésiastique plus respecté pour sa moralité que monsieur Rabin. Oh, Oxford ! Dit Mrs. Grantly en ricanant. Ce qui se fait à Oxford, on ne le sait jamais. Et d'autre part, un prêtre peut se conduire très bien à Oxford et déshonorer une paroisse. Et à vous dire la vérité, M. Harbin, selon moi, est un de ces prêtres. L'archidiacre fit entendre un grognement, mais ne trouva rien à répondre. Il faut absolument que vous lui parliez, archidiacre. Pensez un peu à ce que diront les Thorne quand ils apprendront que leur curé passe tout son temps à papillonner autour de cette femme. L'archidiacre fit entendre un nouveau grognement. C'était un homme courageux et qui savait réprimander au besoin les jeunes prêtres du diocèse. Mais dans le cas de M. Rabin, il y avait quelque chose de particulier qui lui faisait craindre d'échouer dans ses représentations. « Vous pouvez l'engager à se marier, » dit Mrs. Grantly, « et il comprendra bien l'insinuation. » L'archidiacre ne put répondre que par un troisième grognement. Il considérait M. Slope. M. Slope allait devenir doyen. Il allait faire un mariage honorable qui lui assurerait la fortune. Il aurait une résidence confortable, une voiture. Il ferait bientôt partie de l'élite du monde clérical de Barchester. Tandis que son protégé, un vrai rejeton de la vraie Église, continuerait d'être un pauvre vicaire. Ce serait très bien de recommander à M. Rabin de se marier. Mais comment M. Rabin marié pourvoirait-il aux besoins d'une femme ? Tout à coup, le docteur et Mrs. Grantly furent interrompus dans leur entretien par le bruit d'une voiture roulant rapidement sur l'allée de gravier qui conduisait de la porte à la maison. Ce n'était pas le bruit d'une voiture amenant des visiteurs. Les voitures particulières ont, en approchant de la porte, une marche plus lente et plus discrète. Il marquait plutôt l'arrivée d'une ou plusieurs personnes pressées d'atteindre la maison sans avoir l'intention de la quitter aussitôt après. Ou bien encore, ainsi arrivait un homme d'affaires annonçant la mort d'un oncle à héritage ou un étudiant glorieux d'apporter la nouvelle d'une double place de premier. « Qui est-ce ? » demanda Mrs. Grantly, regardant son mari. « Qui cela peut-il être ? » dit l'archidiacre à sa femme. Il se leva tranquillement et ouvrit la porte du salon. « Mais c'est votre père !» C'était en effet M. Harding seul. Il arrivait de Barchester à la nuit, dans une chaise de poste attelée de deux chevaux. D'ordinaire, il faisait ses visites avec le moins de fracas possible, s'annonçant toujours, et ne se servant jamais que d'une modeste voiture de louage attelée d'un cheval qui se faisait à peine entendre en approchant de la porte. « Dieu du ciel, c'est vous, conservateur ?» dit l'archidiacre, oubliant dans sa surprise les événements des jours précédents. « Nous sommes heureux de vous voir, papa, » dit sa fille. « Votre chambre va être prête sur le champ. »« Je ne suis pas conservateur, archidiacre, » dit M. Harding. « C'est M. Quiverful qui a la place. »« Ah oui, je sais, je sais. » dit vivement l'archidiacre. « Je l'oubliais dans le moment. Y a-t-il du nouveau ?»« Ne sortez pas maintenant, Susan, » dit M. Harding. « J'ai quelque chose à vous dire. »« La cloche du dîner va sonner dans 5 minutes, » répondit-elle. « Alors, » dit M. Harding, « je ferais peut-être mieux d'attendre. » Il était impatient d'annoncer les nouvelles qu'il apportait. Mais il savait qu'elles seraient matière à discussion et n'était pas fâché d'ailleurs d'avoir quelque répit. « Si vous avez quelque chose d'important à nous dire, que ce soit tout de suite, » dit l'archidiacre. « Eleanor s'est-elle enfuie ?»« Non, » dit M. Harding, lui adressant un regard de reproche. « Slope est-il nommé doyen ?»« Non, mais... »« Mais quoi ?» dit l'archidiacre qui s'impatientait. « Ils m'ont... »« Eh bien ?»« Ils m'ont offert le titre. » dit enfin M. Harding, que sa modestie empêchait presque de parler. « Dieu du ciel !» s'écrie l'archidiacre. Et il tomba comme suffoqué dans un fauteuil. « mon cher père !» dit Mrs. Grantly, et elle entoura son père de ses bras. « Aussi, j'ai pensé qu'il valait mieux venir et vous consulter. »« Nous consulter ?» dit l'archidiacre avec explosion. Mais mon cher Harding, je vous félicite de tout mon cœur. De ma vie, je n'ai appris aucune nouvelle qui me fît plus de plaisir. » Et prenant les deux mains de son beau-père, il le secoua comme s'il voulait les détacher. Puis, il marcha de long en large dans la pièce, faisant tourner au-dessus de sa tête un numéro du Jupiter pour montrer sa joie extrême. « Mais, commença M. Harding, mais il n'y a pas de mais, dit l'archidiacre, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. C'est justement ce qu'ils avaient à faire. Sur mon honneur, je ne dirai jamais plus un mot contre Lord X. » « C'est l'œuvre du docteur Gwynne, vous pouvez en être certain, » dit Mrs. Grantly. Le principal du collège de Saint-Lazare était un favori de Mrs. Grantly parce qu'il s'était marié jeune et avait une nombreuse famille. « Je le suppose aussi, » dit l'archidiacre. « Oh, papa, je suis si heureuse, » dit Mrs. Grantly, se levant et allant de nouveau embrasser son père. « Mais, ma chère, » dit M. Harding, c'était en vain qu'il essayait de parler. On ne pouvait pas l'entendre. « Eh bien, monsieur le doyen, » dit l'archidiacre d'un ton triomphant, « le jardin de votre résidence vaudra bien les ormes de l'hospice. Allons, pauvre Quiverful, je ne lui reprocherai pas plus longtemps sa bonne fortune. »« Non, assurément, » dit Mrs. Grantly, « pauvre femme, elle a 14 enfants, je suis bien contente qu'ils aient la place. »« Moi aussi, » dit Monsieur Harding. « Je donnerai 20 livres, » reprit l'archidiacre, « pour voir la mine que fera Monsieur Slope quand il la prendra. » La pensée de la déconfiture de M. Slope n'entrait pas pour peu de choses dans le bonheur de l'archidiacre. Enfin, M. Harding put monter dans sa chambre pour se laver les mains, sans avoir dit encore ce qui faisait l'objet express de sa visite. Il n'en pouvait plus parler maintenant, avant que les domestiques eussent quitté la salle à manger après le dîner. La joie du docteur Grantly était si expansive qu'il ne put s'empêcher d'appeler son beau-père M. le doyen pendant le repas, et bientôt, dans les régions basses de la maison, il ne fut question que de ce gros événement. M. Harding allait être doyen à la place de son futur gendre, et les opinions différaient sur cette nomination. La cuisinière et le sommelier, qui étaient avancés en âge, la trouvaient juste, tandis que le valet de pied et la femme de chambre, qui étaient plus jeunes, étaient indignés que M. Slope ne fût pas nommé. « Ce n'est pas pour lui, » disait le valet de pied, « c'est un vilain monsieur. » « C'est pour la sœur de madame que j'ai toujours admirée et qui ferait bien dans cette situation. » À la salle à manger aussi, il y avait de vives discussions. Aussitôt que la nappe fut retirée et que le vin fut sur la table, M. Harding, faisant appel à tout son courage, prit enfin la parole. « C'est, de la part de Lord X, une marque de grande bienveillance. Je lui en suis profondément reconnaissant. « Je le crois, » dit l'archidiacre. Mais je crains de ne pouvoir l'accepter. » La bouteille faillit tomber de la main de l'archidiacre. Il eut un soubresaut si violent que sa femme aussi bondit sur sa chaise. Ne pas accepter d'être doyen? S'il devait en être ainsi, il n'y avait plus de doute. Son beau-père avait perdu la raison. La question était celle-ci. Un prêtre de rang inférieur, ne se faisant pas 200 livres de revenus, devait-il accepter avec 1200 livres par an, l'une des positions les plus élevées et les plus honorables auxquels sa profession pouvait donner accès. « Quoi ?» dit l'archidiacre, respirant avec effort et regardant son hôte avec l'usure d'un homme qui vient d'être frappé d'apoplexie. « Eh bien, je ne me sens pas apte à remplir de nouveaux devoirs. »« De nouveaux devoirs ? Quels nouveaux devoirs ?» dit l'archidiacre, sans la moindre intention de sarcasme. « Oh, papa !» dit Mrs. Grantly, « rien de plus aisé que ce qu'un doyen a à faire. » « Assurément, vous êtes plus actif que le docteur Trefoil. »« Il aurait la moitié moins à faire qu'à présent, » dit le docteur Grantly. « Avez-vous lu ce que disait dernièrement le Jupiter à propos des prêtres jeunes ?»« Oui, j'ai vu que le Jupiter disait tout ce qu'il était possible de dire en faveur de M. Slope. »« Peut-être désirez-vous voir nommer M. Slope ?» M. Harding sentit vivement cette ironie, mais comme il n'était pas venu à Plumstead pour s'y quereller avec son gendre à propos de M. Slope, il ne la releva pas. « Je sais que je ne puis vous faire comprendre mes sentiments, » dit-il. « Nous avons été coulés dans des moules différents. Je voudrais avoir votre confiance, votre énergie, votre force dans la lutte. Mais je n'ai rien de tout cela. À mesure qu'un jour s'ajoute à ma vie, je désire plus vivement le repos et la paix. » « Et où trouver le repos et la paix, sinon dans les fonctions de doyen ?» dit l'archidiacre. « On dira que je suis trop vieux, » Dieu du ciel, qui cela ont? Que vous importe ce qu'on pourra dire? Mais moi-même, je me sens trop vieux pour prendre des fonctions nouvelles. Cher papa, dit Mrs. Grantly, des hommes plus âgés que vous de 10 ans sont tous les jours nommés à des emplois nouveaux. Ma chère, répondit-il, il m'est impossible de vous faire comprendre mes sentiments. Je n'ai nulle prétention à la modestie, au désintéressement. La vérité est que je ne me sens pas la force de caractère nécessaire pour lutter contre l'esprit du temps. On demande de tous côtés des hommes jeunes, et je n'ai pas assez de vigueur de corps et d'esprit pour entrer en concurrence avec eux. Si le Jupiter, en apprenant ma nomination, se mettait à dénoncer, dans une série d'articles, mon incompétence, j'en perdrais la raison, j'en suis certain. Je devrais, me direz-vous, savoir supporter ces choses-là. C'est possible, mais j'avoue que je ne le pourrais pas. À dire vrai, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'un doyen a à faire. Bon, fit l'archidiacre. Ne vous fâchez pas contre moi, archidiacre, et vous aussi, Ozone, ne nous querellons pas. Si vous saviez combien je souffre d'avoir à vous désobliger en cette matière, vous ne m'en voudrez pas. C'était un coup terrible pour l'archidiacre. Nulle autre nomination que celle de M. Harding ne lui aurait causé autant de plaisir. Certes, il ne dédaignait pas son beau-père depuis que celui-ci, par le fait de sa démission de conservateur, était devenu un prêtre pauvre. Mais c'eût été pour lui une satisfaction d'amour-propre que de voir tous ceux qui le touchaient de près dans des positions confortables. Il eût été plus flatté que son beau-père fût doyen de Barchester que curé de Saint Cuthbert et même grand chantre. Et puis, la déconfiture complète de cet ennemi déclaré de tout ce qu'il y avait de respectable dans Barchester, de ce champion de la basse église, ce parvenu qui était tombé au milieu d'eux, lui était plus douce encore que la collation du bénéfice à son beau-père. Il était terrible de penser qu'une bonne fortune si inespérée fût compromise par les lubies absurdes et les hallucinations maladives de M. Harding. Avoir la coupe si près des lèvres et ne pouvoir la boire, c'était trop pour la patience du docteur Grantly. Il vit pourtant qu'il lui fallait bien se résigner. En vain il cajola, en vain il menaça son beau-père. En vain il lui insinua que, dans toutes les difficultés qu'il pourrait rencontrer comme doyen, il était lui, archidiacre, disposé à l'aider et capable de le faire. M. Harding avait cette idée bien arrêtée que non seulement il y avait de nouveaux devoirs à remplir, mais qu'on ne devait accepter la position que si l'on était préparé à les remplir. La conclusion de la conférence fut que M. Harding accuserait réception de la lettre qu'il avait reçue du secrétariat particulier du ministre et demanderait 2 jours de réflexion. Le lendemain matin, l'archidiacre devait reconduire M. Harding à Barchester.